بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Dis, ô vous les mécréants. لا أعبد ما تعبدون. Je n'adore point ce que vous adorez. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Pas plus que vous n'allez adorer ce que j'adore. ولا أنا عابد ما عبدتم. Ni moi, je ne vais adorer ce que vous avez adoré. Pas plus que vous n'allez adorer ce que j'adore. Vous avez votre religion et moi, j'ai la mienne.